Tu sais quand est-ce qu'il passe en France? Thank you.

Thank you. Cool. Mais non, pas pitoyable. Bon. Thank you. Thank you.

Thank you. va falloir que tu m'expliques comment tu places les do, ré, mi, fa, sol, la, si, do sur un djembé. Thank you.